Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Alicia. Salut les amis. Salut Alicia, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, c'est toi. Bon, avec grand plaisir. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, il y a quelques semaines, j'en ai plusieurs en fait. Il y a quelques semaines, j'ai joué à Houille, moi je suis de Paris. Oui. Du coup, j'ai pris le RER, j'ai fait 20 km, tout ça en période de grève, pour me faire insulter par le public. Oh. Alors, je recommence le début de soirée. Mm-hmm. Ça, c'était le concept. Et donc, début de soirée, on attend notre tour pour passer. Et t'as le propriétaire du resto qui nous dit, il y a 4 meufs devant, elles sont sorties de l'asile. Oula. Et je fais, bah, moi je le prends en rigolant, je fais, bah moi aussi, hein, donc ça me dérange pas. Et elles sont 4 devant, 4 vieilles, ouais. Et 3 derrière, 3 mecs tout derrière. Ouais. Et là il y a le premier humoriste qui arrive et c'est un rebeu. Et je sens bien qu'il y a un truc qui va pas, parce qu'elle se retourne. Genre, je ne veux même pas regarder cet humoriste. C'est-à-dire que vue d'un arabe était insupportable pour elle. Oh là là là là. Et il a essayé, bah, il a fait ce qu'il a pu et tout. Il a quand même essayé de décrocher quelques rires. Moi, j'arrive en troisième. Deuxième, après moi, elle fait un four, évidemment. C'est-à-dire que c'est un public qui ne nous écoutait même pas, qui ne voulait même pas nous voir. Et pourtant, elles sont venues spécialement pour ça. À la base, ils sont venus pour ça. Ah oui, voilà. Là, c'est choquant. Je pense qu'elles se sont réveillées pour sacrifier de l'humoriste. Et moi, j'arrive sur scène et du coup, je me rapproche d'elle. Donc, je me mets vraiment à côté d'elle pour vraiment capter leur attention. Et les mettre mal à l'aise. Et je fais mon truc. Elles comprennent rien à ce que je dis. Mais vraiment, elles comprennent rien à ce que je dis. Elles étaient bourrées ou pas? Non, elles étaient juste inattentives. Elles commandaient leur dessert, elles discutaient entre elles. Mais vraiment, elles ne nous écoutaient pas. Et à un moment, elle se tourne vers moi et elle me dit « J'en ai marre de ces teubés de sketchers. On est des sketchers. » Ouais, bah ouais, on n'est pas des stand-upers. Bah évidemment. C'est-à-dire que la meuf, elle a appris un langage de jeune, mais juste la moitié de la phrase. Voilà. Là, elle était vraiment tellement fière de placer son teubé. Oh là. Mais c'est pas aller plus loin. Après, on a eu Sketcher. Voilà. Et du coup, là. Pathétique. Et du coup, je fais, mais. Et moi, je savais pas comment réagir à ça. Bah ouais. Parce que moi, j'ai juste envie de lui mettre une claque, tu vois. Je lui dis, mais vous savez à qui vous parlez, en fait? Enfin, non, enfin. Mais d'où vous permettez et tout. Et j'essaie de me rattraper et je rame. Du coup, les trois autres mecs dans le public. Parce que du coup, vous étiez dépités. Voilà, mais donc vous étiez sept au total, il y avait sept personnes dans le public. Ouais. Donc les trois autres mecs, ils étaient dépités, ils étaient de votre côté quand même. Bah oui, de ouf. Mais tu peux pas. Parce qu'elles faisaient genre barrière, quoi. Oh. En fait. Mais oui, surtout qu'elles étaient devant et les autres derrière, quoi. Voilà. Donc tu peux pas. À moins, en fait, ce que j'aurais dû faire, en fait, c'est de tirer le micro. Jusqu'au mec, et de plus les calculer. Voilà, de dire je joue pour eux. Voilà, exactement. Voilà. Parce qu'eux, ils étaient à fond avec nous. Et du coup, ça m'a déstabilisée, évidemment. Et je savais pas quoi dire, à part leur dire, mais vous savez qui je parlais, moi j'ai fait des études et tout. Enfin, permettez pas. Et moi, j'ai pas su réagir, parce que j'étais choquée, quoi. Et déjà que je les aimais pas, mais bref. Et il y a une autre humoriste qui arrive, et je sais pas pourquoi, elle leur demande si elles ont fait des études. Et celle qui m'a incité de teuber, elle s'est arrêtée en troisième. Tu vois le culot, c'est une meuf de troisième qui dit à une bac plus 5, t'es une teubée. Ça c'est balèze. C'est des gens en fait, voilà, mais c'est en fait surtout parce que je pense que c'est des gens, tu vois, qui ont un complexe et qui insultent les autres. Tu sais, c'est comme par exemple, t'as des personnes, j'en sais rien, moi, tu sais, t'as des mecs en surpoids ou quoi, qui vont vanner les autres gros. Ouais. Pour pas qu'on les vanne eux. Ouais, ouais. C'est idiot. Hein. Ouais, ouais. C'est idiot. Non, mais c'est pas l'autodérision, c'est pas la même chose, non, tu vois. C'est du se vanner soi-même, c'est une c'est chose. Mais quand t'as du complexe, des fois, tu vas vanner les autres. Ou par exemple, parce que t'as des désordres, t'as des troubles de l'alimentation, ben tu vas, genre, dès que tu vas voir quelqu'un manger un truc pas bien, tu vas dire, c'est pas bien ce que tu manges, hein. Alors que toi-même, il y a 5 minutes, tu te faisais vomir, tu vois, ou je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça, en fait. Donc elle, en fait, elle se sentait tellement teubée qu'elle se disait, il faut que je mette les autres plus bas que moi. Bah ouais, il faut que je sacrifie des humoristes ce soir. Elles se sont réveillées comme ça, elles se sont réveillées en dans le miroir, ma vie est misérable. ce soir, je rendrai la vie encore plus misérable exactement, à certains êtres humains exactement. Qui sont venus de Paris. C'est-à-dire que j'ai fait 30 km pour me faire traiter de teubé. Punaise. Ouais, mais bon, au moins là, si tu veux, il n'y a pas de doute sur le vrai teubé, quoi, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pas comme si elle t'avait mouché. sais, elle t'a juste balancé ça gratuit. Ah, quoi. D'ouf, c'était ouais, gratuit, mais c'était d'ouf. Totalement gratuit. Non, mais je suis sûre qu'elle devait être super fière de ça. Mais je suis étonné qu'elle ait assumé d'avoir arrêté en troisième, tu vois. C'est-à-dire que normalement, quand l'autre humoriste est rentré et leur a dit « Vous avez fait des études ?» Non, mais je pensais qu'elle... Non, quand elle lui a posé la question, elle lui a pas posé la question en rapport à ce qu'elle avait dit. C'était vraiment... Enfin, il n'y avait aucun rapport avec ce qu'elle avait d'accord. dit. Et du coup, c'est pour ça qu'elle s'est lâchée. Et qu'elle oui. a dit la vérité. Ce que j'allais dire en temps normal, elle aurait dû dire oui, j'en ai fait, oui, ça ne vous regarde pas, exactement. Ou je ne sais pas, tu vois. Mais elle s'est lâchée parce que justement, ça n'avait aucun rapport. Ouais. Et je me suis dit, quoi ? La meuf, elle s'est arrêtée en troisième. C'est moi qui traite de teubé. Ouais, ouais. Mais ferme ta gueule. Un peu de modestie, un peu d'humilité. Ouais. Voilà. Ouais, c'est spécial, quoi. Voilà, pour pire public. Vraiment, je les ai appelées les 4 vieilles sorcières. J'essaye de transformer ça en 7. Oh, mais ça, tu peux le raconter, ça. Ouais, t'as juste à raconter. Rajouter quelques petites vannes, une petite pincée par-ci, une petite pincée par-là, et puis ça passe. Hein. Là, ça fait vraiment un passage de. Ouais, ça fait un passage, ouais. Ouais. C'est sûr. Parce que c'est des galères qu'on vit tous, quoi. Des fois, dans le public, t'as des gens qui sont pas de bonne volonté, quoi, on va dire, tu sais. Ça arrive, malheureusement. Ah, mais bon. C'est plus que pas de bonne volonté. Et puis, il y en a, tu sais, qui veulent se mettre en avant devant les copains. Tu vois, donc elle, tu penses pas que c'était parce qu'elle était avec ses copines et qu'elle se disait, faut que je me montre un peu comme la chef de meute, quoi. Ouais, bien sûr qu'il y avait la chef de vieille meute, ouais. De vieille meute, ouais. C'est sûr. Ouais. Ok, d'accord. Donc tu avais d'autres anecdotes des petites galères? Ouais, j'ai eu un heckler, donc un perturbateur, et dans une autre scène, et je voyais mes collègues humoristes se casser la gueule l'un après l'autre. Parce qu'il était déchiré, mais déchiré et agressif. Ah, ouais. Et mauvais cocktail, quoi. Ouais, et je voyais tomber sur le front l'un après l'autre, et j'étais deg. Franchement, j'étais deg. Je me suis dit, les pauvres et tout. Et j'essaie d'aller voir le gérant, le propriétaire du bar. Ouais. Je me suis dit, mais virez-le, quoi. Ouais. Virez-le. Ouais. Après, il fait, lui, il nous c'est fait un client. Il nous fait notre chiffre. C'est un client fidèle. Il y a même pas moyen. Je fais, bon bah ok. Moi, je vais aller prendre mon four comme les autres. Hein. Allez, j'y vais. Au moment où je monte sur scène, il sort fumer une clope. T'as eu de la chance. Non, attends. Moi, à ce moment-là, pendant qu'il fume sa clope, je parle que de trucs légers, blablabla, booba, des trucs légers. Ouais. Et au moment où il revient sur scène, je parle de cancer. Oh là là. Ça lui a fermé sa gueule. Cancer, ferme ta gueule. C'est ça. Voilà. Mais tu vois là, par exemple, l'attitude du patron du bar, je comprends. Bah, mais c'est non, parce qu'on comprends pas. Non, je comprends. Mm. C'est-à-dire, je l'ai déjà vécu. Je ne cautionne pas, mais je comprends. Parce qu'en même temps, le mec, il se dit... Toi, tu viens jouer 5 minutes ou 10 minutes, et ça, ce client-là, il vient tous les jours. Tu peux lui faire je une remarque. Je peux le comprendre. Non, mais je peux le comprendre. Mais moi, j'ai déjà vécu tu ça. Tu peux lui faire une remarque. Moi, j'ai joué une fois. Mais mais il a peur de le froisser parce qu'il se dit ce mec-là, il vient tous les jours et il lui fait du chiffre et tout. Ouais. Moi, j'ai eu le cas en Vendée. J'ai joué en Vendée. Et je demandais et tout comme ça. Tu vois, je parlais avec le. Donc, je jouais en Vendée et je jouais tout devant le public. Public super réceptif, cool, tranquille. Et il y avait un mec qui s'appelait Stéphane. Et il était prise de tête vraiment pendant tout le spectacle. Il n'a pas arrêté d'intervenir. Et je lui ai dit à un moment, tu vois, je lui ai fait genre, bon, Stéphane, écoute, je dis, tu sais quoi, je te jure, c'est marrant. Je dis, mais tu sais quoi, on discutera toi et moi après, c'est bon, t'inquiète. Voilà. Et il donnait son avis. À chaque fois que je balançais une vanne, il faisait un commentaire et tout. Et je regardais la patronne et elle bougeait pas. Mmh. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'était le pilier de bar, tu vois, qui lui faisait tout son chiffre. Et je dis, punaise, tu vois. Et à un moment, et moi, tu sais, je suis quelqu'un de très doux sur scène et tout. Mais là, il y a un moment où j'ai fait exprès, tu sais, j'ai voulu faire une. Je crois que ça s'appelle genre une rupture cyclothymique ou je sais pas quoi. Ça, c'est Christine Béroux qui en parlait dans son livre. Genre, tu sais, passer du personnage très calme au personnage complètement starbé, quoi. Donc du coup, j'ai fait genre oui, et donc je vous disais ta gueule, tu vois. J'ai fait comme ça, quoi. J'ai vraiment gueulé ta gueule et tout. Et tout le monde a sauté, le mec aussi, tu vois. J'ai dit, tu sais quoi, allez, on s'arrête, c'est bon, je continue le spectacle. Stéphane, et ta gueule. Et t'es revenu? Je suis revenu dans le truc, normal, je suis revenu dans mon truc et tout. Je termine, je continue, pardon. Et donc je continue, et après, le Stéphane, il continue à parler. J'ai regardé pour rigoler, j'ai fait, tu sais quoi Stéphane, on va faire un truc. La prochaine fois que tu parles, je te balance cette chaise à travers la tête. Tout le monde mort de rire, et lui genre, ouais, ok et tout. Et il a fermé sa gueule pendant environ, allez, une bonne minute. Et il a recommencé. J'ai attrapé la chaise, j'ai entendu tout le monde faire, sais, genre, oh, il va la balancer. Et en fait, non, non, je ne l'ai pas balancé après, mais le mec, il m'a saoulé, il m'a flingué mon spectacle, quoi. Ouais. Ça s'est quand même bien passé, mais les gens le détestaient. Ouais. Et moi, j'en ai vraiment voulu à la gérante parce que, tu sais, elle était gentille comme tout. Elle était adorable. Je la remerciais vraiment, je la remercie encore aujourd'hui de m'avoir programmé. Mais c'est pas cool de pas avoir, même, voilà, comme tu as dit, juste dire un mot. Ouais, juste, s'il te plaît, tu peux faire un petit effort, s'il te plaît, voilà. Ouais, enfin, bref. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Alicia c'est tout. Alicia c'est tout, donc tout attaché. Sur Facebook. Instagram et Facebook. Mais Instagram plus et sur Facebook. Instagram. Surtout sur, sur Insta, d'accord, ok, pas de problème. Et j'ai un podcast qui s'appelle Le Podcast Drôle aussi. Ah oui, franchement, faudra que j'aille écouter ça avec grand plaisir. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.